Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, un rendez-vous artistique avec la création sonore, l'art audio, les musiques inclassables issues d'artistes d'horizons très divers, souvent musiciennes, musiciens, compositeurs, improvisateurs, mais aussi sculpteurs, poètes, photographes, cinéastes, performeurs et j'en passe. La production contemporaine d'art sonore est particulièrement vaste, d'autant, je dirais qu'on observe depuis au moins une dizaine d'années une grande effervescence de la création sonore à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle du Québec. En rupture très souvent avec l'art musical, l'art sonore s'entend parfois comme un prolongement de la musique, d'autres fois comme une avenue parallèle. Alors, quoi qu'il en soit, les courants sont nombreux, brillants et très stimulants. C'est d'ailleurs dans ce contexte que je vous propose ce soir, comme je le ferai à d'autres moments de la saison, l'écoute de trois démarches artistiques issues du monde des arts sonores actuels. Alors voilà, au programme ce soir, Jeff German, Taylor Dupree et Lina Filipovitch. Et on écoute ça, on débute ça avec une première pièce de Taylor Dupree. Thank you. très belle pièce intitulée Written, tirée de l'album Harbor de l'artiste sonore Taylor Dupree. Taylor Dupree, qui est un artiste réputé, connu dans ce monde hétéroclite des arts sonores, de l'art audio, un artiste dont les œuvres nous fournissent de riches musiques d'ambiance, vous avez pu le constater. On raconte qu'il a commencé dans les années 90 à explorer le bruit, sans être bruitiste, pourrait-on dire, s'éloignant graduellement de la musique techno, profit de sonorités hybrides ou encore abstraites, composé de sons naturels captés sur le terrain, ce qu'on appelle le field recording, et de musique technologique. Il est particulièrement intéressé par l'idée d'immobilité, inspiré par les silences évoquant la tristesse et le désespoir. En tout cas, c'est ce qu'il raconte. Sa passion pour le studio en tant qu'instrument d'enregistrement est primordiale dans son travail, bien qu'il demeure, dit-il, à distance de l'idolâtrie numérique. Ses œuvres illustrent une sorte d'esthétique de l'erreur, inspirée tout autant par la beauté que par les imperfections de la nature, recourant au court-circuit non seulement dans les systèmes technologiques, mais aussi dans la perception humaine. C'est plutôt intéressant. Alors, je vous propose qu'on écoute une pièce tirée de l'album intitulé Harbor, un album paru en mai 2022. On y évoque cette dualité qui oscille entre la soi-disant perfection technologique et l'impureté du monde réel, la matière brute et celle transformée. Thank you. créateur prolifique depuis une vingtaine d'années, originaire de Brooklyn, New York. Taylor Dupree est le fondateur du label 12K, une maison de disques indépendante basée dans une zone rurale du nord de l'État de New York. Lancé en 1997, le label 12K compte parmi les premiers labels proposant des sonorités expérimentales combinant des sons issus de technologies numériques et des sons issus des instrumentations dites traditionnelles acoustiques. Le label compte une centaine de titres et parallèlement à ses créations solo, Taylor Dupree a mené de nombreux projets de collaboration. Il a travaillé avec Ryuichi Sakamoto, Stéphane Vitiello, Marcus Fischer, Richard Chartier, Savas Isatis et j'en passe de très nombreux. Beaucoup de ces créateurs partagent avec Dupree un intérêt pour le minimalisme acoustique, les dérives instrumentales du post-rock et les sonorités synthétiques de la techno, ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant donne une bonne idée. Alors, je vous propose qu'on écoute un extrait d'un album intitulé « Small Winter ». C'est une pièce intitulée « Long Winter ». Comme le souligne Dupree, j'ouvre les guillemets, il dit « Ne vous laissez pas tromper par le titre « Small Winters » est une chaleur qui ressemble plus à l'agitation de la terre et du ciel qu'à la stase des hivers. Il s'agit d'une création réalisée à partir d'un ensemble minimal d'outils, un synthétiseur ARP 2600, un glockenspiel, des boucles de cassettes et un plugin nommé Small Winter. Alors, on écoute ça. Thank you. Voilà, il s'agissait d'un extrait d'un album réalisé par Taylor Dupree. Je vous présente maintenant quelques-unes des créations récentes de l'artiste américain Jeff German. Il est né sur l'île de Guam, dans la mer des Philippines. C'est un musicien qui a commencé sa carrière musicale en jouant de la batterie. Avec les années, il prend conscience du potentiel sonore de la batterie et commence à improviser, puis enregistre des expérimentations. Ses premiers travaux sonores sont basés sur des échantillonneurs et des boucles de bandes. Il va s'intéresser ensuite aux enregistrements environnementaux avec très peu ou à peu près pas de manipulation ou de traitement électronique, sinon, dit-il, en jouant avec des objets trouvés dans la nature. Il a d'ailleurs développé l'idée d'une musique animiste dont l'exécution est inspirée par le pouvoir des matières et des objets trouvés dans la nature, une forme d'art sonore ésotérique. Alors, les pierres, des coquillages, des ossements, du bois flotté, des pommes de pin. Jeff German vit en Arizona depuis une vingtaine d'années. Il continue d'explorer le son et l'enregistrement sous de nombreuses formes, y compris les enregistrements sur le terrain, la construction d'appareils de production de son rudimentaires et l'exploitation des effets du temps sur les bandes analogiques. Sur ce, on écoute un extrait tiré de l'album intitulé Popular Fiction. C'est paru en 2020. Il s'agit d'un enregistrement réalisé au cours du printemps et de l'été 2020 dans les alentours de Cottonwood, Arizona, et fidèle à sa méthodologie, il utilise les voies, la pierre, le bois, le verre, le métal, le papier, le plastique, des sonorités radio et la contribution, dit-il, d'un tas de gens. Alors, on écoute une pièce intitulée « Compound ». Thank you. Une pièce de Jeff German intitulée « Compound » tirée de l'album « Popular Fictions ». Alors, à propos de son travail, Jeff German raconte qu'il a passé sa vie à apprendre, à écouter et à offrir aux autres la possibilité de faire de même. « J'ai passé, dit-il, beaucoup de temps à errer dans le désert pour enregistrer le monde naturel et ses interactions avec les structures humaines. J'ai composé des œuvres à grande échelle, jouées par des ensembles utilisant des objets naturels, les pierres, plumes, coquillages. Découvercle de casseroles aussi, et cela construit, élaboré avec des dispositifs sonores rudimentaires qui jouent tout seuls. » Plus récemment, dit-il, j'ai travaillé avec des sons dérivés d'erreurs ou encore de dysfonctionnements en me concentrant sur les extraits indésirables ou encore inutilisés dans mes travaux antérieurs. Je vous propose qu'on écoute des créations tirées de l'album intitulé Cobbled Pavé. C'est paru en 2020. C'est un album qui résume assez bien les environnements sonores qui passionnent Jeff German, situé, dit-on, dans cette zone grise située entre l'art sonore académique et le bruit primitif. On a pu le constater dans le dernier extrait. Alors, je vous propose qu'on écoute la pièce « Trees ». Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission sur des sonorités de Jeff German. Je vous reviens rapidement après un bref battement promo. C-K-R-L 89-1. C-K-R-L 89-1. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors voilà, dernier droit de la Croche-Oreille. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Alors voilà, je vous propose ce soir trois démarches artistiques. On a entendu le travail des extraits du travail de Taylor Dupree, ensuite de Jeff German. Et pour compléter la soirée, je vous propose une brève incursion dans l'univers sonore de Lina Filipovitch, une artiste et musicienne biélorusse née à Minsk et qui est désormais basée à Paris. Ses œuvres explorent notamment la relation qui unit le sonore et le visuel, et cela avec une variété de médias, y compris les films trouvés, la musique électronique expérimentale, la peinture, la sérigraphie et la performance. Travaillant à partir d'extraits trouvés et de boucles, Lina Filipovitch utilise des techniques de collage et de montage sonore inspirées par la technique du cut-up et de l'appropriation des techniques familières au monde de la poésie. D'entrée de jeu, on va écouter une création tirée de son premier album lancé en 2021, un album intitulé Magnificat, qui est le fruit d'une fusion d'enregistrements sonores d'une composition de Sergei Rachmaninov et de séquences électroniques, rien de moins. L'album est influencé, dit-elle, par certains rituels de la culture industrielle et les univers bigarrés de la musique électroacoustique, avec ses sombres échos, dit-on, évoquant les premiers épisodes de Doctor Who. L'œuvre ressemble parfois à une bande-son pour film de science-fiction annonçant rien de moins que la fin du monde. Alors, on écoute cette pièce. pièce intitulée Bogoro Ditsé de veau de Lina Filipovic, tirée de l'album Magnificat. Alors, dans son dernier album, lancé en juillet dernier, Lina Filipovic poursuit ses expérimentations sur la déconstruction et la réappropriation à travers le recyclage, l'échantillonnage, le réassemblage et le reconditionnement, quel vocabulaire, de musique déjà existante. Alors, dans ce projet intitulé BFHC, on retrouve 7 interprétations électroniques d'œuvres de compositeurs baroques. Jean-Sébastien Bach, Jeff Handel, Fresco Baldi, Carleton, Couperin, tout ça inspiré de souvenirs d'interprétations de son enfance, explorant le désir de repousser les limites de l'interprétation classique des musiques baroques. Les compositions baroques sont ici manipulées, modifiées, transformées en boucle, coupées, ralenties et recyclées comme n'importe quel autre matériau, devenant une matière première pour de nouvelles compositions, celle-là environnée de sons électroniques, de rythmes et de basses fréquences. Alors, on écoute donc une pièce inspirée, celle-là, du prélude fugue en F mineur de Jean-Sébastien Bach, noté BWV 534, pour les connaisseurs de Bach. Alors, on écoute ça. Thank you. Alors voilà ce qui complète le programme sonore de la Croche-Oreille pour ce soir sur cette relecture d'un prélude, du prélude de la fugue en F mineur de Jean-Sébastien Bach. Grand merci aux artistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres que vous retrouverez pour la plupart sur les plateformes de musique en ligne, Bandcamp, SoundCloud et sur le site des artistes. On a entendu ce soir des œuvres de Taylor Dupree, de Jeff German et de Lina Filipovic. Alors, vous retrouverez sur le site La Croche-Oreille tous les titres des pièces entendues ce soir ainsi que les références pour retrouver les artistes sur la toile. Alors, je vous invite à consulter le site de La Croche-Oreille. Alors, pour clore l'émission, je vous propose qu'on écoute une dernière pièce, une pièce tirée du récent projet de l'artiste sonore Lina Filipovic. C'est une pièce inspirée cette fois par le compositeur de musique baroque Nicolas Carleton, une pièce intitulée « À verser ». Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre aventure sonore. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue.